FrenchPod.com. Hé les gars, la petite amie de Stéphane vient d'envoyer un texto. Ils arrivent dans 30 secondes. Tout le monde est prêt ? Attends, j'ai oublié d'acheter un cadeau. Mais c'est pas le moment. Attention, il est en bas. Personne à la fenêtre. Les voilà, chacun à sa place. Je vais ouvrir la porte. Surprise ! Mon anniversaire ? C'était le mois dernier.